J'aime les fruits noirs, j'aime quand ça fume sur l'eau de la baignoire. J'adore l'odeur de l'herbe le soir après la pluie.